jamais entendu le chant des oiseaux, enfant près de l'océan? As-tu jamais entendu le cri des goélands qui s'envolent haut dans les airs, dans le centre de mystérieux univers, étranger pour toi de l'enfant qui s'endort à l'adulte que je ne connais pas encore? Je fais cette prière, puisses-tu un jour ouvrir tes paupières, enfant de ces hommes nains qui se sont transformés en foule d'assassins. Je t'invite aujourd'hui même à te rendre dans ce qui reste de leur cendre, enfant, si tu as peur de ne pas pouvoir construire un monde meilleur, sache que dans le creux de tes mains est inscrit le secret de ton lendemain. Sache que dans le creux de nos mains est inscrit le secret de nos lendemains. De l'aube crépuscule et la journée s'achève, on croit avoir le temps mais la vie est si brève. De l'hydre au printemps, de la fleur à la tige, seras-tu avancé sans avoir le vertige? Enfant près du ruisseau, n'as-tu jamais entendu le chant des oiseaux? Enfant près de l'océan, as-tu jamais entendu le cri des goélands qui s'envolent haut dans les airs, dans le centre de mystérieux univers, étranger pour toi, étranger pour toi. Avancer sans avoir le temps.